الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc la dernière fois on avait pris deux hadiths qui étaient طلاقة الوجه عند اللقاء وتطيب الخواتر. Donc c'était le fait de rencontrer son frère avec un visage épanoui et non pas un visage grincheux ou enfourné, car ça c'est le minimum, avec un sourire si possible et une bonne parole. Ça d'accord, dans le relationnel cela ouvre beaucoup de portes. Et le deuxième, c'est un tib al-khawatir, le fait de prendre en compte le ressenti des autres dans ce que tu fais, que tu anticipes de ne pas les vexer, de ne pas les blesser, de ne pas les attrister autant que possible. C'est-à-dire, tant que tu peux te justifier sur une chose qui pourrait être mal interprétée, alors n'hésite pas à le faire. Cela fait partie des nobles caractères. Donc nous sommes toujours dans Adab ta'amul bin al-mu'minin, qui est le relationnel entre les croyants. Donc là, on va prendre le 112e hadith du kitab, qui est le 12e de ce fasl. Wawa shukr al-ma'ruf, c'est-à-dire reconnaître, c'est être reconnaissant, le remerciement du bien reçu. Yaqul an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu حتى ترون أنكم قد كفأتموه رواه أبو داود. Donc selon Abdullah ibn Omar, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui recherche refuge auprès d'Allah en vous demandant de l'abriter, alors abritez-le. Celui qui demande quelque chose, alors donnez-lui. Celui qui vous invite, alors répondez à son invitation. Et celui qui vous accorde un bien, alors rendez-lui ce bien, c'est-à-dire rendez-lui ce bien, soyez reconnaissant envers ce bien qu'il vous a fait. Et si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre cela, alors invoquez pour lui, juste à ce que vous constatiez que vous lui avez, vous avez comblé ce bien qu'il vous a accordé. Rapporté par Abu Daoud. Donc en premier lieu, il dit « Man sta'aza billah ». C'est une personne qui est dans un besoin, qui recherche refuge auprès d'Allah d'un besoin et qui, par votre cause, peut être protégé du mal qu'il encourt. Donc à ce moment-là, Yaqul سأل العوض والعصمة متوصلا إليكم بالله ومقسما عليه به عليكم فعيذوه. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui cherche une protection de votre part, et bien sûr dans une chose que vous êtes capable de faire, et qui n'amène pas un haram ou une injustice ou ce qui s'ensuit. Qui vous demande par Allah, qui jure par Allah qu'il a besoin de vous. Alors cette personne-là, vous devez lui apporter votre aide autant que possible. Du fait que cet homme-là vous a demandé, ou cet homme ou cette femme, cette personne, vous a demandé de l'aide au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Anna Allah fi aoun al-abd, ma kana al-abd fi aouni akhihi » que Allah... vous m'entendez? Taïb, vous m'entendez? Donc, que Allah Azawajal soutient son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Ça veut dire, plus tu vas aider les gens dans ce qui t'est possible, et plus Allah Azawajal va t'accorder son soutien. Il a dit وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْتُوهُ. Celui qui vous demande une chose par Allah, donnez-lui. Et bien sûr, il vous donne une chose qui lui soit utile. Que ce soit une grande chose, une petite chose, si vous pouvez lui accorder cela, sans que cela n'ait de préjudice sur vous, de conséquences ou de gêne sur vous, alors donnez-lui. Celui qui vous invite, et à la base on avait dit que répondre à l'invitation de la walima, c'était obligatoire. Tant que tu n'as pas d'empêchement, alors réponds favorablement à son invitation. Wa man sana'a ilaykum ma'rufa. Celui qui a été bienfaisant envers vous, par une parole, par un acte D'accord. Et le ma'rouf, c'est quoi? Ismun jami'un likulli ma yuhsin ou yahsunu fi shara. Wa taskun ilayhi an-nafs min al-khayr wa ar-rifq wa al-ihsan wa ghayriha. C'est quoi qu'on appelle le ma'rouf là? C'est toute chose, c'est un nom d'ensemble de tout ce qui est bien vu en religion. Tout ce qui apaise l'âme comme bien, une chose que les gens aiment, apprécient. D'accord? Comme douceur ou comme bienfaisance, c'est ce qui s'ensuit. Donc une personne qui t'apporte un bien, qui se comporte bien avec toi, ou qui t'a aidé, ou autre, alors sois reconnaissant envers ce qui t'a accordé comme bien. Et il a dit, فَكَافِئُوهُ. Car dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْإِحْسَانِ. Est-ce que la rétribution de la bienfaisance n'est que la bienfaisance? C'est-à-dire quelqu'un qui s'est bien comporté avec toi, tu te dois de bien te comporter envers lui. C'est un minimum. Et quand on trouve rien, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas moi, t'a fait apporter un bien matériel et que tu n'es pas en mesure de lui rendre à Kazalik un bien matériel, lorsqu'il en a besoin ou quoi, alors, ou alors il t'a apporté un aide physique et que toi tu n'es pas en mesure de pouvoir le faire, alors au minimum invoque pour lui en disant Jazakallahu khayra et invoque pour lui dans tes doa, même dans ta salat ou autre, pour que Allah Azzawajal puisse lui accorder du bien pour ce qu'il t'a donné lui-même comme bien. T'invoques pour lui, ne lésine pas dans les doa. Ne pas lésiner pour les doa, dans les doa. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Car dans un hadith rapporté par Jabir, قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزيه فلم يجزيه فليثني عليه فإن لم فإذا أثنى عليه قد شكره وإذا كتمه فقد كفره. ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب زور. رواه البخاري. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a reçu un bienfait, une chose convenable, alors qu'il rende l'appareil. Et s'il ne trouve pas de quoi rendre l'appareil, alors au moins qu'il parle en bien de la personne qui lui a apporté ce bienfait. Et en faisant cela, il l'aura remercié. En parlant bien de la personne ou en lui donnant de bonnes paroles, c'est un remerciement. Quant au fait de dissimuler, c'est-à-dire de ne pas parler de ce bienfait qui a été fait ou quoi, alors il a dit « Fakot kafarahu ». Il a employé le mot « kafar ». C'est-à-dire qu'il a été ingrat. D'accord ? Car à la base, le kufr, c'est un sens d'ingratitude. C'est-à-dire que les kufars sont ingrats de ce qu'Allah leur a donné comme bienfait, au point qu'ils ne veulent pas l'adorer. Et il y avait cette femme qui avait dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle voulait demander le khul, et elle a dit « Fa'inni arsha al-kufr ba'da l'islam » quand elle voulait demander le khul parce que son mari ne lui plaisait pas, et qu'elle craignait tellement il ne lui plaisait pas qu'elle ne soit pas à la hauteur de ses demandes et de l'obéissance dont il a droit, elle a dit « Je crains le kufr après l'islam », c'est-à-dire « Je crains la gratitude » et non pas le fait d'apostasier. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également, lorsqu'il a parlé à ses femmes, quand il a dit qu'elles étaient la plupart des gens du feu, il a dit فَإِنَّكُنَ تَكْفُرْنَا الْعَشِيرِ. Il a dit تَكْفُرْنَا, c'est-à-dire vous êtes ingrates dans la vie conjugale. Donc il a employé le mot kufr par rapport à l'ingratitude, comme dans ce hadith-là. Donc une personne à qui tu as fait du bien, d'accord, et qui soit ne te le rend pas comme il le peut, alors qu'il peut le faire, ou au minimum qui ne parle pas de toi en bien, alors il aurait été ingrat envers toi. Donc sachez que la base du mal, c'est l'ingratitude dans beaucoup de choses. Car le kufr, à la base, est une ingratitude. Le kufr, la mécréance, c'est que la personne ne veut pas rendre à Allah le droit qui lui revient. Donc c'est la pire forme d'ingratitude. Et ensuite, chaque personne, en fonction de qui a été bienfaisant envers lui et le grand de la personne envers lui. Et après, dans le hadith, il a dit « Et celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, ça veut dire il fait apparaître qu'il a alors qu'il n'a pas, c'est une personne, il a dit, Fakod labisa sobezur. C'est comme quelqu'un qui se revêtu d'un faux paraître. C'est une forme d'hypocrisie. D'accord? T'as des gens, ils te font croire qu'ils sont de telle et telle manière, alors qu'ils ne sont pas comme ça. Et ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans le sur le somnifère, l'hypocrisie. D'accord? Des gens qui te font croire qu'ils ont, par exemple, telle chose alors qu'ils n'ont pas. Ou qu'ils ont fait telle chose alors qu'ils n'ont pas fait. Par exemple, dans l'ilm, il te fait croire qu'il a du ilm alors qu'il n'a pas d'ilm. Ou quelqu'un qui te fait croire qu'il a telle et telle caractéristique alors qu'il ne les a pas. Ou autre, alors celui-ci sera paré du vêtement du paraître. C'est-à-dire que tu vois en lui une chose, en apparence, qui en réalité est contraire à ce qu'il possède. Et ça, c'est général. Par exemple, tu as plein de gens aujourd'hui sur les réseaux qui te font croire qu'ils sont riches. Ils te montrent des belles voitures, des belles maisons, un tas de bijoux, alors qu'ils ne les ont pas. C'est pour te faire rêver. C'est-à-dire, ils te font croire qu'ils sont riches pour que tu te dises, comme un tel il est riche, ben pourquoi est-ce qu'il va me croquer alors qu'à la base il est riche, il n'a pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de lui. Et de cela que tu te fais avoir. Tu te fais prendre à l'hameçon et tu rentres dans son engrenage et tu lui payes des formats, tu lui achètes des formations, tu lui fais ce qu'ils appellent le trading, toutes leurs escroqueries là. Et en fait, il t'escroque en fait. Parce que dis-toi une chose, une personne qui te dit, moi je suis devenu millionnaire par tel et tel procédé. Donc je vais t'aider à être millionnaire, pareil, je vais te vendre des formations. Sache une chose, si vraiment il était millionnaire par ce procédé qu'il te dit, crois-moi bien qu'il se garderait de le donner aux autres. Il va garder pour lui tout seul. Tu vois. Donc s'il te vend cette chose-là, c'est qu'en réalité son argent, c'est pas par ce moyen-là qu'il vend qu'il a eu l'argent, c'est parce qu'il va te vendre une formation par laquelle il aura de l'argent. Donc il t'a déjà eu. Depuis quand un millionnaire, il vend des formations? T'as vu ça où, toi? Un millionnaire qui vend des formations. Un millionnaire, son argent est là, il investit dans des choses. Il ne va pas faire de formation à des gens, il n'a pas le temps. Et la façon dans laquelle il est devenu millionnaire, crois-moi bien qu'il va être égoïste. Il ne va pas la partager aux gens. Il ne va pas la donner aux gens. Ou alors il va donner à certaines personnes. Donc, déjà d'emblée, quelqu'un qui te dit « Je suis millionnaire, j'ai gagné plein d'argent par ce moyen-là, je vais t'aider à être millionnaire pareil », il est déjà en train de te mentir. Sache-le. Donc, ne te fais pas avoir, comme beaucoup de gens se sont fait avoir, par ces influenceurs sur le réseau, qui ne sont là que pour vie sur le compte des gens. Donc le shahid du hadith, c'est d'être reconnaissant envers les bienfaits que les gens t'ont fait. Sache remercier. Sache l'admettre. Yaqul fawaid al hadith. An al-isti'aza bil makhluq bima yaqdiru alayhi ja'iza kama an as-su'al 'an al-haja ja'iz. Que chercher refuge auprès d'une créature dans ce qu'elle est en mesure de faire. Cela est permis, car ce n'est pas du shirk à ce moment-là. Car à la base, isti'aza bi ghayrillah, chercher refuge auprès d'autres que Allah Azza wa Jalla, c'est du shirk. À quel moment, quand tu demandes à une créature de faire ce que seul Allah Azza wa Jalla peut faire. Tout comme demander dans un besoin à quelqu'un, d'une chose dont tu as besoin, que la personne peut te l'accorder, cela est permis. Mais qu'à la base, demander n'est pas permis, mais il y a des cas où cela peut être permis. Saniyan anna man iltaja'a ilaykum wa ahtasama bikum fi amrin min al-umur allati عذابته والعظائم التي ألجأته فاعذوه وكونوا سندا له وغضضا له في كربته ممن ظلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Donc celui qui vient vers vous, qui nous demande de l'aide pour une chose qu'il a subie ou autre, ou alors qu'une personne veut lui faire du mal et que vous êtes en mesure de pouvoir arrêter ce mal, alors cette personne-là, apportez-lui votre aide. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, secours ton frère, qu'il soit injuste ou lésé. Et vous savez bien, ils ont dit les sahaba, al-mazloum, celui qui est lésé, on comprend, mais le zalim, comment est-ce qu'on l'arrête? Il a dit, vous l'arrêtez. Comment est-ce qu'on aide l'injuste? Il a dit, en l'empêchant de faire son mal. En l'empêchant de faire son mal. Salisan, anna man sa'alakum shay'an, azzaza su'alahu billahi, أن تعطه سؤاله فأعطه ما طلب إعظاما للسؤال بالله تعالى ما لم يكن على شيء محرم أو عليكم منه ضرر. Donc une personne qui vous demande une chose au nom d'Allah Azza wa Jal, dont il a besoin, du fait qu'il est nommé Allah Subhanahu wa Ta'ala, donnez-lui cette chose-là. Tant que ce n'est pas une chose qui soit interdite et que ce ne soit pas une chose qui vous nuise. En donnant cette chose-là, ça vous cause une nuisance. Après, maintenant on sait qu'aujourd'hui il y a plein de gens, des escrocs pareils, en religion, ou des faux mendiants, qui demandent des choses au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on sait que ces gens-là sont des trompeurs, des menteurs, il est certain qu'à ce moment-là, le hadith ne s'applique plus. Là, on reste sur une base d'une personne qui n'a rien n'a rien de mauvais qui apparaît. D'accord, là-bas, c'est qu'il est véridique dans ce qu'il dit. Mais quand on voit des signes chez la personne de mensonge, de perversion ou autre, à ce moment-là, le hadith ne s'applique plus et l'on est en mesure de pouvoir refuser. Mais tu refuses poliment. ثم قال أن من صنع إليكم معروفا أو أحسن إليك في أمر فاشكر جميله وكفأته وكفأه على معروفه بمثل ما أو بمثله أو أحسن. Donc celui qui vous a fait un bien, qui était bienfaisant envers vous, alors remerciez-le. C'est-à-dire le bien qu'il vous a fait, soyez-en reconnaissant. Et essayez de lui apporter la même, si vous le pouvez, quand une occasion se présente. Voire mieux même si tu peux. Par exemple, un jour un frère, je sais pas moi, il t'a aidé pour une chose dont tu avais besoin, et bien le jour où tu peux lui rendre l'appareil, rends-lui l'appareil, voire même mieux encore. Voire même mieux encore si jamais tu le peux. Khamisan, anna man la yajid ma yukafihi bihi sahiba bil ma'ruf fa yukafi'ahu bil thana wa dua wa min a'zam al dua qul jazakallahu khayra. Et celui qui ne trouve pas de quoi rendre le bien qu'on lui a fait à une personne, alors soit il fait son éloge à cette personne-là, ou soit alors au minimum il fait un dua. Et parmi les meilleurs duas que l'on puisse faire, c'est « Jazakallahu khayran » que Allah te rétribue en bien. Et d'après Cheikh Mokbil, ce dua-là, tu peux le faire même pour un kafir. « Jazakallahu khayran » dans le sens que Allah t'apporte un bien, c'est-à-dire ce bien soit l'islam. C'est comme un dua pour qu'Allah le guide. Et il dit « Sadisan, hath al-islam ala ijabat al-da'wa » que l'islam incite à répondre à l'invitation. طيب ثم قال التواضع donc de maintenant autre hadith qu'on va prendre qui est le تواضع qui est le تواضع c'est la modestie c'est l'humilité c'est le 113e hadith du kitab du kitab et le 13e du fasl يقول عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله رواه مسلم. Donc selon Abu Huraira, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucune aumône ne va réduire de ton capital. Et que Allah Azawajal ne fait que rajouter aux serviteurs qui pardonnent, il ne leur ajoute que de encore plus de d'honneur. Et que celui et que personne ne sait n'a fait preuve de modestie pour Allah sans que Allah Azzawajal ne l'élève encore plus. Donc là, on voit dans la première partie du hadith, « Ma naqassat sadaqatun min malin » que l'aumône que tu vas faire ne va en rien réduire ton capital. Ne crois pas qu'en faisant une aumône, tu auras moins d'argent. Bien au contraire. Cet argent-là, il va te revenir. Quand on dit argent, c'est toute forme de bien que tu puisses faire. Cet argent-là va revenir vers toi. Et au mieux, Yom al-Qiyama, il sera décuplé, multiplié. Le moment où tu en auras encore le plus besoin, tu vas le trouver, et en mieux encore. Donc ne pas lésiner dans les sadakas quand on peut en faire. Et bien sûr pour les bonnes personnes, évidemment. Car vous le savez, il y a des gens qui rôdent à l'affût des biens des gens, qui veulent profiter des gens, des opportunistes. Et ces gens-là, quand ils sont repérés, bien sûr, voilà. Enfin, si tu veux donner, t'as le droit de donner. Mais sache que tu as affaire à quelqu'un qui en réalité n'est pas dans le besoin et profite de toi. Donc après, c'est toi et ta propre estime. Ensuite, il dit وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُوٍ إِلَّ عِزَّ. C'est-à-dire qu'une personne qui va pardonner à quelqu'un alors qu'elle est en mesure de se venger du mal qu'elle a subi, mais elle préfère pardonner cette personne-là. Parce que souvent on dit ouais, je pardonne pas. Croire que pardonner, c'est un manque de. C'est de la faiblesse. Au contraire, Allah Azawajal te donne encore plus de force quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a lésé. Au moment où tu es en mesure de pouvoir te venger. Dans le Coran, à la fois dans un hadith, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man katama ghaizan wa qadirun ala yagzufa ou yagzifa, ba'athallahu yawm al-qiyamah. Que celui qui contient une colère, quelque chose en lui alors qu'il est en mesure de pouvoir l'extérioriser, mais qui se contient, qui se maintient, qui se retient, que Allah Azzawajal va le faire ressusciter au devant de toutes les créations, de toute la créature, c'est-à-dire au devant des gens. Et au Qiyama, il lui fera choisir ce qu'il veut parmi les Hulil Ain. Bon, ça, je pense que ça concerne les hommes. Pour les femmes, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent. Mais la rétribution reste aussi grande. Quelqu'un qui est en mesure de faire appliquer une chose qu'il a subie à quelqu'un d'autre, mais malgré cela, il pardonne et il se retient, c'est une force qui est immense. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Laysa al-shadid bisul'a walakin al-shadid man malaka nafsahu 'inda al-ghadab. » Il a dit que le vrai dur, la vraie force, n'est pas celui qui terrasse les gens. C'est-à-dire, dès que tu as un problème, tout de suite, t'en viens aux mains, t'en viens aux menaces, t'en viens aux insultes ou quoi. Non, il a dit le vrai. Celui vraiment qui est le vrai dur, c'est celui qui se contrôle dans la colère. Et ça, c'est très très dur. Mais en réalité, c'est là la noblesse. Car insulter, c'est facile. La violence, c'est pour ça que tout le monde le fait. Hein. Frapper, agresser, tout le monde arrive à le faire. Car c'est facile. Mais se retenir, se contenir, ça c'est peu dur. Ça veut pas dire que t'es faible. Hein. Mais tu crains Allah Azzawajal. Tu crains Allah Azzawajal pour les conséquences. Car toi, si toi t'en reviens aux mains, ton adversaire peut en venir aux mains également. Ça va jusqu'où ça va aller ça? Ça peut aller très loin. Des gens ils sont morts comme ça, vous savez. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. À cause de ce genre de situation où il n'y en a pas un qui arrive à stopper. Où il n'y en a pas un qui arrive à dire c'est bon. Il tourne, il dit, il change de chemin, il va ailleurs. Non, la fierté comme ils disent. Je veux que tu me respectes. Mais jusqu'à où on va te respecter? Au point que tu en arrives à tuer quelqu'un, tu en arrives à insulter la mère des gens, que tu en arrives à commettre des actes de violence qui sont interdits, là, le meilleur c'est que tu laisses, tu pars. C'est dur, mais tu pars. Et crois-moi bien que Allah Azzawajal, il va se venger pour toi. Et que tu seras élevé en degré, encore plus, en réalité. Et quand on prend le bimafoum mukhalafa, celui qui arrive à pardonner, Allah Azzawajal l'élève en degré. Alors que dire de celui qui s'en prend à toi alors qu'à la base tu ne lui as rien fait? Qu'en est-il? Toi tu es dans ton droit et tu pardonnes à la télé d'engrais. Alors que dire de celui qui s'en prend à toi alors qu'il est dans le tort? Qu'est-ce qu'il en est? Allah va le rabaisser. Les gens qui se vengent, les gens rancuniers, pleins de rancœur, et en plus ils sont dans le tort, ces gens-là, Allah Azzawajal, il va les humilier. Sachez-le. Donc vaut mieux les laisser parler et ne pas trop chercher à se venger. Mais il y a des fois, se venger, c'est permis. Dans le Coran, Allah Azzawajal, il dit « Inna Allah la yuhibbu su'ub nikul illa man zulim » que Allah Azzawajal n'aime pas les mauvaises paroles, qu'elles soient profanées, à part celui qui a été lésé. C'est-à-dire que demain, quelqu'un t'a mal parlé, tu peux mal lui parler également, pour lui répondre. Mais, si jamais tu te retiens et que tu arrives à pardonner, c'est encore mieux. Après, c'est pas tout le monde qui mérite le pardon, il faut savoir une chose. Cheikh Al-Samin, il a fait un tafsil par rapport à ça. Quelqu'un qui a fait du mal, mais qui veut se rattraper, d'accord, qui veut se rattraper, ou c'était une fois où, voilà, pardonner est meilleur. Quant au récidiviste, celui qui est connu pour faire du mal, et à chaque fois il recommence, lui, mieux vaut, s'il y a une sentence à appliquer, lui faire appliquer la sentence. Donc le pardon c'est relatif, c'est d'un cas à un autre, mais la base, pardonner est meilleur. Pardonner, et encore plus quand quelqu'un vient te voir et te demande pardon. Alors là, c'est vraiment le comble que de le rejeter. Quelqu'un vient auprès de toi, il t'a lésé, il t'a fait une faute, il te demande pardon, il fait tauba, toi tu le rejettes, non je te pardonne pas ceci, cela, voilà, ça c'est mauvais ça. C'est très mauvais comme comportement. Donc le pardon fait partie de notre religion. Et encore plus à quelqu'un qui te demande pardon. Et il a dit, ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, que personne n'a fait preuve de modestie pour Allah sans que Allah l'élève. Ça veut dire qu'en étant modeste, en réalité, c'est là qu'Allah Azzawajal va encore plus t'élever. Et non pas en venant faire la personne hautaine, orgueilleuse et ce qui s'ensuit. Mais la modestie. La modestie. Vous savez, il y a des gens. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui font du mal. On se tait sur eux, rahmatan lahum. C'est pas rahma envers eux qu'on se tait. Car en réalité, si on pouvait pas. Si on voulait se venger, on voudrait parler, il y a des gens qui pourraient les détruire. Mais on se tait sur eux. Ils s'en rendent pas compte. Il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Ils te cherchent, ils te provoquent. Mais t'as envie de lui dire, si je ne parle pas aujourd'hui et je ne te réponds pas, c'est parce que si le jour je vais parler sur toi et je vais te répondre, je vais te faire très très mal. Mais j'ai pas envie d'en arriver là. Tu vois. C'est un peu l'exemple d'un, je sais pas, moi, tu vois un petit, je sais pas, 10 ans, il vient, il veut provoquer un grand de 15, 20 ans. Il commence à le frapper, pas assez, il lui met des coups comme ça, vas-y, viens, il insulte et tout. Le grand, il lui dit, hey, arrête, petit. Et le petit, tu vois, il est chaud, il est hargneux, il veut se bagarrer, absolument. Il veut défier le grand. Tu vois. Est-ce que le grand, il va le frapper? S'il est intelligent, le grand, il va dire, non, je vais pas le frapper, c'est un petit. Je vais mettre un coup, peut-être, je vais le tuer. Tu vois. Donc il dit au petit, hey, petit, si je te frappe pas, c'est pas que j'ai peur de toi. Tu vois, même tu me fais rigoler. C'est par rahma pour toi, je te touche pas. T'es un petit, t'es un enfant. Moi, je suis un adulte. Si jamais je te frappe, un coup peut te faire très très mal. Et j'ai rien à y gagner. Donc calme-toi, arrête de faire le show devant tout le monde et de vouloir provoquer et de faire croire que tu as ceci et cela. Tu n'es pas de taille. Et je n'ai pas à le prouver que tu n'es pas de taille. Vous voyez, donc, et il y a des gens, ils se comportent un peu comme ça. Tu les vois parler, dire des choses, d'accord, vouloir salir des gens. Mais des fois, ne pas leur répondre, c'est mieux. Et ça, c'est une expression qui se dit en arabe. Je l'ai dit directement en français, je la rappelle souvent à des frères. De ne pas s'amuser à lancer des pierres sur les gens quand on habite une maison de verre. T'as des gens, ils veulent provoquer. Mais ils sont une situation tellement dramatique que si on devait parler sur eux, on leur ferait beaucoup de mal à dire des choses sur eux, des vérités sur eux. Tu vois. Mais on espère être plus haut que cela. Et on espère appliquer ce genre de hadith. On espère. Et on incite les gens à faire de même. Ne pas tout le temps, dès qu'on parle sur toi, répondre aux gens lorsqu'ils parlent sur toi. T'as des gens, voilà, ils n'en veulent pas la peine. Et ce qu'ils disent, c'est tellement ridicule, ça n'en vaut pas la peine de leur répondre. C'est meilleur pour toi. Mais savoir une chose, que celui, autant que, comme le dit le hadith, celui qui pardonne, Allah Azzawajal, l'élève, alors que dire celui qui te lèse alors qu'il est en tort, Allah Azzawajal va l'humilier. T'as même pas à parler et à faire quoi que ce soit. Allah va l'humilier. Peut-être dans sa vie, déjà, il est humilié. Dans sa vie, c'est la catastrophe. Tout va mal autour de lui, mais il fait le dur. Celui qui veut dévoiler, c'est celui qui veut parler. Alors que sa vie, elle est en miettes. Tu vois. Elle est en miettes. Au lieu de vouloir réparer le mal qu'il y a chez lui, il veut provoquer un mal chez les autres. Donc ces gens-là, faut même pas les calculer. Yaqul. D'ailleurs, c'est arrivé à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il y a un hadith, un homme qui est venu, qui s'est rendu auprès d'Omar ibn Khattab. Et il lui a dit, Omar ibn Khattab, je voulais te voir pour te dire une chose. Innaka la tahkum bina bil adl. Tu ne juges pas avec nous, avec la justice. Tu es injuste. Et là, Omar ibn Khattab était sur le point de se mettre en colère. Et de vouloir se venger de cette personne-là qui était insolente envers lui. Et de là, l'homme qui lui a permis de rencontrer cette personne-là a dit « Ya Amir al-Mu'minin, quand Allah Azza wa Jal li nabihi, khuz al-afu, wa mur bil-urf, wa alina al-jahilin. » Il a dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal, de pardonner et de bien se comporter et de se le détourner des ignorants. Et après, il a dit, « Wa inna hadha min al-jahilin » et que cet homme qui te parle, là, c'est un ignorant. Tu vois. Et de là, Ibn al-Khattab, le verset, il le connaissait. Mais quand il l'a entendu, il s'est arrêté. Et il s'est calmé. Donc, en réalité, il y a des gens, ils veulent provoquer, ils parlent mal. Mais il faut prendre le verset, « Wa a'alina al-jahilin » des tout de doigt des ignorants. Là, ces gens-là sont des ignorants. يقول فوائد الحديث حص الإسلام على مكارم الأخلاق وحميد الخصال. Donc l'islam incite à avoir le noble caractère et les bons comportements. ثانيا الحث على الصدقة لعظيم فضلها وجزيل ثوابها. Que cela incite également à faire des sadaqas, des aumônes, pour le grand mérite qu'elle a et la grande récompense qu'elle apporte. Et la sadaqa, c'est pas forcément de l'argent. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه صدقه. Que la bonne parole, c'est une sadaqa. كل خطوه تمشي الى الصلاه صدقه. Que chaque pas que tu fais pour aller vers la mosquée, c'est une sadaqa. Et même la salat du doha, c'est une sadaqa. Et même les rapports intimes que tu as avec ton épouse dans le halal, c'est une sadaqa. La sadaqa, c'est un meuble qui est large, qui est wasi'. Ce n'est pas forcément que donner de l'argent. Et aider ton frère dans le bien, c'est une sadaqa. وان تعديل بين الاثنين صدقه. Que tu t'arrives à concilier entre deux personnes, deux frères qui sont en désaccord, deux sœurs, ou ainsi de suite, même un couple, ou quoi, c'est le sadaqa. Sadaqa, c'est awsa minan tu'ti min malik. C'est beaucoup plus large que le fait que tu sors de ton argent pour en donner. Mais quoi qu'il en soit, d'accord, donner de ton argent pour Allah Zawajel, une sadaqa faite avec sincérité, ne réduira en rien de ton capital. Ne crois pas que tu es perdant ou qu'il y a un déficit. Jamais. Mais bien sûr, donne selon tes moyens. Salisan, an sadaqa sabab li himayat al mal wa ziyarat al baraka fihi. Justement que la sadaqa, c'est une cause pour protéger tes biens et pour qu'ils soient fructifiés. Ils soient fructifiés. Au contraire. D'accord ? Contrairement à ce qu'on veut te faire croire que le côté, on va dire, économe, des économies pour aller ton argent. Économise, bien sûr. Mais prends une part de tes biens. Et justement, comme tu vois les gens qui sont, on va dire, les hommes d'affaires ou quoi, investissent dans des projets mondains, immobiliers ou quoi, bah toi, investis dans ton din en vente sadaqa. Et tu seras gagnant à 100%. D'accord ? T'as des gens, ils investissent dans le bitcoin, dans la crypto-monnaie, dans l'immobilier, dans la restauration. Taïeb ! Bon, le bitcoin, encore, il y a un kalem là-dessus. Par rapport à la crypto-monnaie, c'est pas clair encore. Mais bon, d'autres choses. Toi, investis, prends une part de tes biens et mets-la en sadaqa. Et tu verras que tu n'apporteras, cela ne t'apportera que du bien. Et il y avait un homme qui avait un jardin. Et son jardin, tout le temps, il pleuvait sur son jardin, un potager. Tout le temps, il pleuvait. Quand les gens n'avaient pas de pluie, lui, il avait tout le temps la pluie. Les gens disent, mais comment tu fais pour avoir tout le temps de la pluie? C'est-à-dire pour que ses fruits, ses légumes poussent. Il a dit, mon jardin, je divise en trois. Les bénéfices. Une partie que je dépense pour ma famille, mes enfants. Une partie que je réinvestis dans mon jardin. Et une partie que je donne en sadaqa. Et ça lui a valu quoi ? Que ses biens soient fructifiés. Parce que tu as des gens aujourd'hui, ils voient que le côté matériel, investir, mettre de l'argent et ainsi de suite. Ne les pas sur le côté religieux. Fais des sadaqa et tu verras qu'Inch'Allah Ta'ala, ce que tu as donné va te revenir et même en mieux. Et même Yom Al-Qiyamah, tu vas le trouver. Thumma qal rabi'an al-has al-al-afu. أن المسيء وعدم مجازاته على إساءته وإن كانت جائزة que cela incite à pardonner à celui qui t'aura fait du mal et de ne pas lui rendre l'appareil dans le mal qu'il t'a fait subir même si cela t'est permis le meilleur est de ne pas te venger et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se venger alors quand on dit le mot venger ça veut dire ne donner de punition ou de sentence que lorsque les limites d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient dépassées sinon jamais pour lui-même il se vengeait. خامسا أن العفو ليس ذلا وخضوعا بل يجعل الله تعالى للعافي عزا وعظمة في القلوب وإكراما في الآخرة. Et que le pardon n'est pas une marque de faiblesse, n'est pas un abaissement, ce n'est pas une humiliation. Mais Allah Azawajal justement donne encore plus d'honneur à cette personne-là, encore plus de force dans le cœur des gens et dans l'au-delà pour le pardon dont il a fait preuve. سادسا ان الله عز وجل يجعل للمتواضع محبه في القلوب وذكرا حسنا ورفعه في الاخره et que Allah عز وجل accorde à celui qui fait preuve de modestie de l'amour dans les cœurs et qu'on se rappelle de lui dans le bien à cette personne là et il l'élève dans l'au-delà. قال سابعا الخلق الحسن عباده لا ينال ثوابها إلا بالإخلاص لقوله من تواضع لله. C'est-à-dire, le bon comportement sont une adoration. Et qu'on ne peut obtenir la récompense de ces bons comportements qu'en étant sincère. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait preuve de modestie pour Allah. Ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour Allah que tu le fais concrètement. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymeen a dit par rapport à ça, aux bons comportements, ils sont de deux sortes. T'as le djibilli, celui qui est naturel chez la personne. T'as des gens, ils ont en eux déjà ce genre de choses. Ils sont généreux, ils sont honnêtes, de façon naturelle. D'accord ? Et t'en as d'autres, ils... yatakallafun bizalika, ça veut dire qu'ils se l'imposent. Pourquoi ? Pour Allah. Par exemple, t'en as par exemple un exemple, ils sont un peu avares. Ils sont de nature être avares, c'est comme ça qu'ils sont. Et bien pour Allah Zawajed, ils vont se forcer d'être généreux. Et bien ces gens-là, ils ont beaucoup de récompenses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un jihad sur eux-mêmes. L'autre, c'est facile d'être généreux, pour lui c'est normal. Il a de la récompense. Mais l'autre, il a en plus un effort sur lui. Ça surenchère sa récompense car il combat son nefs pour faire ce qu'il fait. Donc c'est pas un hypocrite. D'accord ? Il dit, je suis quelqu'un d'avare, donc je vais faire un effort d'être généreux pour Allah Azawajal. Donc c'est pas de l'hypocrisie là. Là c'est du djihad. C'est un effort sur lui-même qu'il fait. Donc toute personne qui a en lui une chose qui sent qu'elle est mauvaise et qui la combat, qui essaie de la surmonter pour Allah Azawajal, c'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est celui qui fait se passer pour qui il n'est pas. D'accord ? Il se fait passer pour qui il n'est pas. Et en plus, il ne le fait pas pour Allah Azawajal, il le fait pour les gens. ثامنا أن الأمر كله لله وأن من رفعه الله فلا حافظ له ومن وضعه فلا رافع له لقوله إلا رفعه الله تعالى. Et que le décret appartient entièrement à Allah Azawajal. Que celui qu'Allah Azawajal élève, nul ne pourra le rabaisser. Personne ne pourra le rabaisser. Et celui qu'Allah Azawajal rabaisse, nul ne pourra l'honorer et l'élever. Car il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إلا رفعه الله تعالى. C'est-à-dire que nulle personne ne pourra faire preuve de modestie sans que Allah Azawajal ne l'élève. Donc ça, c'est Allah qui élève et c'est Allah qui rabaisse. Pas les gens, pas l'argent, pas la réputation. D'accord ? C'est Allah Azawajal qui met ça dans le cœur des gens. Et cela ne s'obtient que par son obéissance et l'application de sa religion. Naam. Hadha alladhi akhadhna al-yawm. Naktafi bi hadha al-qadr. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.